On va parler avec Marc Griffin. Beaucoup d'actualités. C'est une des belles périodes de l'année. Salut Marc. Salut, comment ça va? Ça va bien, Marc. Je disais ça à Jacques Doucet l'autre jour. J'ai dit, moi, c'est la plus belle période, une des plus belles périodes de l'année parce que ça me rappelle des souvenirs. On aime ça, des transactions. Puis quand j'étais jeune, puis on a pas mal la même âge, on entendait. Moi, j'étais à la radio, j'arrivais de l'école, j'avais hâte d'écouter le bulletin de radio et les rapports de Jacques Doucet en direct des assises du baseball pour savoir ce que Dave Dombrowski ou Murray Cook avaient fait comme pour parler de transactions. Puis depuis ce temps-là, j'aime ça, cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup, beaucoup de nouvelles dans le monde du baseball. D'ailleurs, LMB Network va être en direct des assises. Quasiment 24 heures sur 24, pour vous donner une idée. C'est sûr qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sur la dent, mais ça lui fait de quoi pareil. Je te dirais rapidement que moi aussi, les assises, ça vient me chercher parce que non seulement tu as tout à fait raison, je me rappelle très bien d'écouter les reportages de Jacques aussi, mais moi-même, j'ai été échangé un 10 décembre Ah, OK. des Dodgers aux Expos durant les assises, donc de 1900, ça me rajeunira pas, là, mais de 1991. Alors, c'est évident que c'est une période très fébrile pour moi et le baseball, évidemment. C'est quoi? C'est contre qui, Marc, hein, que tu avais été échangé? Pardon? Contre qui tu avais été échangé, hein? Moi, j'avais été échangé contre Ben Van Ryn, Oh, qui avait été un choix de première ronde. un lanceur gaucher. Un lanceur gaucher qui avait été un choix de première ronde, Ouais. effectivement, des Expos. Alors, on avait été échangé un contre un à cette époque-là. Et puis, moi, je me retrouvais évidemment dans l'organisation des Expos à mon plus grand plaisir. Et Van Ryn, si je me rappelle bien, c'était un bon prospect, là. C'était pas un no-name, là, Non, non, non, c'était un choix de première ronde. Ouais. C'est un gars qui a eu sa tasse de café dans le baseball majeur, là. Je vous dirais qu'il a OK. peut-être eu un départ ou deux, là. OK. Mais c'était un lanceur gaucher qui, bon, tardait un peu à se développer aussi au niveau des rangs mineurs. Je pense qu'on n'était Ouais. pas nécessairement hyper satisfait à l'époque de sa progression. Alors, ça tombait bien. On s'est échangé, là, je pense, à l'époque, deux joueurs d'avenir qui tardaient peut-être à se développer. Alors, je pense que c'était une bonne chose. Marc, j'ai parlé. On va commencer avec les assises. Je devais pas parler, commencer avec les assises. Je devais parler des Yankees, mais on va y arriver après. J'ai parlé avec Pierre Arsenault cette semaine. Et tu sais que Pierre est des dépisteurs des Marlins. Puis je voulais savoir Ouais. un peu c'était quoi le climat depuis que Derek Jeter est rendu propriétaire des Yankees, les rumeurs de Giancarlo Stanton et ainsi de suite. C'était quoi le climat de travail des Marlins? Et Pierre me dit, on travaille fort pour scruter les meilleurs prospects pour cet échange-là, Stanton. Ça va, faut mettre les Giants, ça va se quoi en avance chez les Cards, hein? Oui, absolument, Oui, absolument. Là, bon, je sais que les Yankees commencent à se Ah, faufiler OK. là-dedans parce qu'on sait jamais, mais il faut réaliser une chose. Je sais que Stanton écoute, regarde, il a été dominant cette année. Il a une valeur inestimable présentement, mais faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit une transaction, selon moi, où on va échanger à peu près 8 prospects numéro un, là. C'est-à-dire que son salaire est tellement lourd présentement que ça coûtera pas si cher que ça en termes de joueurs, en termes de prospects. Ça va coûter cher financièrement, là. Parce que rappelez-vous la transaction qu'il avait envoyée à l'époque, c'était Alex Rodriguez. T'sais, Alex Rodriguez, lorsqu'il est arrivé aux Yankees, c'était probablement le ou sinon parmi les trois meilleurs joueurs du baseball à cette époque-là. Puis on avait réussi à avoir Alfonso Soriano puis un autre joueur. Mais c'est parce qu'on avait avalé aussi une bonne partie du salaire. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Mais moi, écoute, j'aimerais ça le voir personnellement avec les Giants. Je trouve que ça donnerait quelque chose de bien intéressant à cette franchise-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec Derek Jeter? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là présentement? Puis tu as vu la transaction qui a envoyé Dee Gordon aux Mariners. On va chercher aussi un peu de sous pour évidemment les joueurs internationaux. Écoute, j'ai hâte de savoir connaître son plan réel. C'est vraiment une drôle de situation qui se passe là-bas parce que non seulement il fait pas Il est trop l'unanimité, cher. mais Yep. il est à la limite, selon moi, de se faire appeler par le commissaire. On dit, écoute, tu t'en vas où avec ça, là? Parce que là, à un moment donné, c'est l'intégrité du baseball. Alors, faut faire attention, là, si Stanton part, qui dit pas qu'il y a une couple de gars derrière Osuna, un gars qui dit, hey, moi, là, pas sûr que ça me tente de rester là, des gars comme Christian Yelich. Alors, à un moment donné, il va falloir faire attention, là, à ce qui se passe avec les Marlins, là. Ben, mais c'est parce qu'ils ont payé trop cher, Marc, c'est pas compliqué. Ben, écoute, c'est la valeur présentement. Ouais. Il va avoir des revenus intéressants, mais tu as vraiment l'impression que lui, il veut tout démolir la maison au complet, puis dire, ben, je vais remettre planche par planche pour bâtir la patente. Mais je veux dire, là, tu pars de très, très loin. Puis je regarde la façon dont il s'est comporté. Je sais pas si tu en avais discuté avec Pierre, mais je sais qu'il y a plusieurs dépisteurs aussi qui se sont fait mettre à la porte de façon, je te dirais, un petit peu plus cavalière. Donc, écoute, j'ai hâte de voir. Je vais lui donner encore le bénéfice du doute, mais je trouve que c'est un peu une situation assez drastique là, qui se passe. Okay. Deuxième point d'actualité, Aaron Boone. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que tu étais dans le mille pas à peu près. Tu m'avais dit que ça va être un gérant que personne connaît ou qu'on n'aura pas venir du champ gauche. Quand j'ai vu Aaron Boone arriver, j'ai pensé à Mario Tremblay. Quand il est arrivé avec le Canadien, c'est à peu près la même affaire. Là. T'sais, c'est pas un entraîneur recru qui s'en vient dans... diriger Yankees et le Canadien, c'est sensiblement... Ça ressemble pas mal. Comment tu vois ça, Aaron Boone? Ben, écoute, oui, je pense que chaque fois qu'on a un nouvel entraîneur qui arrive sans expérience, on a une pensée pour Mario. Je suis tout à fait d'accord avec mais toi. Mais là, c'est dans la grosse pomme, là. Pardon? C'est dans la grosse pomme, c'est à New York, là. C'est, ben, c'est pas oui. Comme mais écoute, ouais. On est peut-être ailleurs, on est peut-être dans une autre époque, par contre, ici. Puis, tu sais, je suis bien placé pour le dire, parce que lorsque tu es analyste, là, évidemment, Aaron Boone, lui, il a l'immense privilège de voyager avec ESPN, donc d'aller avant chaque match parler aux entraîneurs, parler aux gérants, parler aux joueurs, parler aussi. C'est un bagage extraordinaire. Puis je vous dis pas que chaque analyste baseball pourrait être gérant du baseball majeur, c'est pas ce que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que ce gars-là ne s'est jamais éloigné du baseball. Il a toujours été très près du baseball. Puis en tant qu'analyste, c'est vrai que on est un peu des gérants d'estrade, vous allez dire, mais t'es quand même à même toujours de te faire aller ton cerveau, dire ok, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Pourquoi il fait ça? Ok, il fait ça pour ça. Alors, il y a un bagage d'expérience qui entre. Et puis que je suis pas certain nécessairement que tu peux toujours avoir au niveau A ou au niveau 2A. Puis tu sais, entre toi puis moi, puis pour l'avoir vécu aussi, t'as des gérants qui fait 20 ans qu'ils gèrent là, dans les rangs mineurs, mais ça fait 20 ans qu'ils sont mauvais aussi. Ça veut pas dire que ça va être des bons gérants parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là. T'as des très bons gérants que ça fait 20 ans qu'ils sont là, qui méritent certainement considération. Mais dans ce cas-ci, on voit de plus en plus l'ère de la communication revient. Ah ouais, c'est-à-dire que, tu sais, t'avais les... Tu avais des petits soldats à l'époque, là, puis ah ouais, puis go, puis t'es mieux de pas te traîner les pieds. Là, aujourd'hui, tu gères 25 PME. Tu gères 25 gars qui ont tous des égos différents, puis qui réagissent différemment avec le succès, avec l'échec. Alors, ça te prend un psychologue sportif. C'est pratiquement à peu près ça que ça te prend. Ou faut que tu ailles chercher le meilleur de chacun, mais que tu flattes tout dans le même sens du poil pour qu'ils puissent te donner un rendement à la fin de la journée, qui est évidemment... de remporter un championnat pour les Yankees. Alors, je pense que dans ce cas-ci, c'est un excellent choix parce que Boone, vous pouvez avoir parlé à quelques reprises, c'est un gars qui, bon, les gens qui l'ont certainement écouté aussi à la télévision à un moment donné, les amateurs de baseball, là, mais c'est un gars qui s'exprime très bien, qui est toujours réfléchi dans ses pensées, qui a toujours. Donc, je pense que c'est là qu'on a tombé un peu en amour dans la direction des Yankees avec Aaron Boone, compte tenu de son passé également, compte tenu du passé de sa famille. Donc, tu sais, je veux dire, il y a des liens fort intéressants qui fait que ça peut être le fun. Par contre, rapidement, c'est que là, il hérite d'une équipe qui doit gagner. Ouais. Parce que là, les Yankees, on les voyait pour 2018. Ils étaient à une manche près de remporter ou de se rendre au moins à la Série mondiale l'an dernier. Alors là, il est là pour gagner. Alors, c'est pas là, il hérite pas d'une équipe où on donne 3-4 ans pour amener ça à un autre niveau. C'est dès maintenant. Donc, il y a pas mal de pression à ce niveau-là pour Aaron Boone. C'est Buck Martinez qui avait passé d'analyste à directement gérant. Ouais. Après ça, il y en a plusieurs là, qui ont fait ça. Là. C'est pas le premier. Sauf que c'est le marché qui est différent. Tu sais, gérer Yankee, c'est... Ouais, t'as le marché, mais t'as la personnalité aussi. Ouais. Ouais. Buck, c'est un bien bon gars, mais je suis pas certain qu'il y avait nécessairement, à l'époque, là, comment je te dirais ça, là, tu sais, la personnalité là, qu'elle a avec ça. Mais bon, tu peux pas lui enlever sa crédibilité, tu peux pas lui envoyer son passé, tu peux pas lui enlever le fait qu'écoute, depuis l'âge de 3 ans que ce gars-là traîne dans les vestiaires du baseball, baseball majeur en totalité. Puis, c'est un gars qui a toujours resté à l'affût de ce qui se passe. Écoute, est-ce qu'il va avoir des embûches? Absolument. Là, l'important pour lui, c'est de s'entourer de gars peut-être un petit peu plus d'expérience, puis qu'il puisse former une belle équipe d'entraîneurs et aller de l'avant avec ça. Les Jays avant. Je suis surpris, oui et non. Quand tu vois que Rogers a payé une fortune pour la Ligue nationale de hockey, son contrat de télévision, puis qui ont de la misère à rentabiliser ça. Les Jays qui valent 1,7 milliard, qui devraient se vendre autour de 2 milliards de dollars. Es-tu surpris que... Moi je me pose des questions qu'on n'a pas commencé, quoi que ça ne presse pas encore. Là, puis je t'en ai parlé la dernière fois, puis je reviens encore ce matin avec ça. Es-tu surpris que... Et ça peut-tu être la raison pourquoi qu'on n'est pas pressé de régler George Donaldson? Puis je l'ai dit cette semaine, soyez pas surpris de voir les Cards de Saint-Louis être de retour dans le dossier Donaldson avec les Jays. C'est pas d'hier qu'on attend que Donaldson intéresse les Cards. Là. Es-tu surpris que le fait... Écoute... C'est-tu un lien? C'est-tu un lien, Rogers? Ils sont à vendre, on ne règle pas le code Donaldson? Parce que ça, c'est... Il faut que ce soit réglé part ou... quitte ou part, il faut que ce soit réglé au cas d'entraînement. Ben, écoute, moi, tu me demandes la question, absolument. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Tu l'as mentionné avec ce qui se passe avec le contrat de télévision de la Ligue nationale de hockey. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, ils ont... Écoute, il faut lire entre les lignes. Ouais. Ils sont pas à vendre, ils tâtent le terrain pour voir s'il y a des acheteurs potentiels. Donc, c'est pas, ils ont pas mis la pancarte en avant du Rogers Center, dire concession à vendre, là. Faut faire quand même attention. Mais, le problème, c'est leur cash flow. On rentre pas dans les détails, mais il y a un cash flow que ça prend parce que les valeurs sont là. Je veux dire, ils valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Tout ça, je parle de Rogers, je parle évidemment des Blue Jays de Toronto. Alors là, il y a un problème un peu de cash flow avec le contrat de la Ligue nationale de hockey, ce qui fait que, bon, est-ce qu'on peut avoir des acheteurs potentiels? Moi, je pense que dans le meilleur des cas, dans le meilleur scénario, c'est que Rogers s'associe à un partenaire d'affaires, alors que Rogers restera propriétaire de l'équipe et qu'ils vont s'associer avec quelqu'un qui va devenir aussi propriétaire à X % avec eux autres. Bon, ceci étant dit, Il y a un lien, oui et non. On n'attendra pas la vente de l'équipe, par exemple, ou la vente pour dire on va régler les dossiers baseball. Mais tout dépend des exigences du clan Donaldson. Il peut y avoir certainement un lien qui fait que les Blue Jays sont peut-être forcés, entre guillemets, à attendre encore quelques semaines, quelques mois peut-être, ou même, bon, on verra ce que ça va donner après le début de la saison. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas un dossier là qui est facile pour la direction des Jays présentement, compte tenu de ce qui se passe avec les propriétaires. Est-ce que les Cards de Saint-Louis, moi je l'ai dit, tu l'as entendu Marc plusieurs fois, les Cards, il y a eu des discussions tout au long de l'été, on entendait Donaldson intéresse les Cards. Est-ce que tu penses que si Stanton s'en va à San Francisco ou à New York, comme tu l'annonces ce matin, que les négociations pourraient reprendre? Moi, je pense que oui. Hein? Absolument. Aucun doute là. Aucun doute dans mon esprit. Ouais. Les Cards sont après un gars un frappeur de puissance. On sait que ça leur a manqué un petit peu. Puis ils ont besoin aussi d'un peu d'énergie à ce niveau-là. Alors, si le dossier Stanton avorte dans le cas des Cards, absolument, ils vont être après Donaldson. Soyez-en assurés. Au fait même que ça pourrait être très alléchant pour les Blue Jays éventuellement de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Vous avez vu, il y a déjà cette relation-là avec Diaz qui s'est retrouvé avec les Blue Jays. Alors, absolument, si le dossier Stanton avorte du côté de Saint-Louis, ils vont, selon moi, être pas mal plus agressifs pour Josh Donaldson. Otani maintenant. Les Yankees, les Red Sox, Otani ne veut pas y aller. Il faut favoriser l'équipe de la Ligue américaine parce que Otani, dans sa clause, veut jouer quand il lancera pas. Donc, déjà là, le poste de frappeur désigné, normalement, ça veut dire quoi? Faut mettre quasiment, même si San Diego, ça sont dans la course, je pense que les Dodgers aussi, ça va jouer entre Seattle et les Angels, hein? L'impression, hein? Bah, écoute, la logique fait que oui, on pense que c'est une équipe de la Ligue américaine, compte tenu de ce que tu viens de mentionner. Par contre, je pense qu'un des beaux défis qu'il veut se lancer, c'est d'arriver dans un marché qui peut lui-même, à peu près, le transporter pour amener aux grands honneurs. Là, il y a toutes sortes de rumeurs qui sortent de son côté avec des objectifs qui sont assez importants là, dans le cas d'Otani. Par contre, moi, j'espère que s'il est aussi bon que ce qu'on le dit, parce que bon, on l'a vu, mais ça reste qu'on va vraiment le voir sur le terrain, mais qu'il puisse frapper un peu, puis qu'il puisse lancer, de connaître, disons, pas mal de succès. Je ne dis pas d'être dominé d'un côté ou de l'autre, mais d'avoir pas mal de succès. Moi, je trouverais ça bien fun, puis bien rafraîchissant pour le baseball, parce que vous savez, il y en a beaucoup de jeunes, on va dire américains ou nord-américains, ou même à la limite des joueurs latins, absolument, qui ont les habiletés pour frapper et lancer. Mais vous savez, le baseball, c'est la vieille école, ben on peut pas faire les deux, ça marche pas de même. Alors, Otani est-il en train de créer ce nouveau phénomène? Puis vous savez, on voit là avec des formations de 25 joueurs, là, où là, t'es pris des fois pour avoir 12 lanceurs parce qu'il y a une couple de gars qui sont un peu blessés. Tu te retrouves avec seulement 13 joueurs de position. T'en as 9 sur le t'en as 8 sur le terrain ou 9 avec le frappeur de choix. Tu te retrouves seulement avec 3-4 réservistes. Là, c'est un gars qui peut faire les deux, tu comprends? Alors, je trouve que là, les athlètes sont tellement rendus bons, sont tellement rendus, je vais dire, sophistiqués dans le sens que, bon, toute la vidéo, tout ce qui permet aux joueurs de s'améliorer aujourd'hui fait que, selon moi, on est rendu au fait que des joueurs peuvent faire les deux. Je ne dis pas d'avoir 35 départs et 500 présents sur le bâton, mais d'au moins d'avoir un équilibre qui fait que le joueur peut faire les deux. Moi, je trouve qu'on est rendu là dans le baseball, puis j'espère que Otani va créer cette nouvelle dimension dans le baseball. Écoute, je me rappelle de Dan Chandler, Don Robinson, qui étaient des excellents frappeurs. Ils lançaient également. Je pense que même Chandler et Robinson agissaient comme frappeurs de suppléants de temps en temps. Dernier point, Marc, je vais te laisser là-dessus. Jérémy Filosa avance du 98.5 a avancé cette semaine sur une émission qui est sur Internet, les columnistes sur Patching Grace, que la vente des billets pour les matchs du 26-27 mars allait moins bien. Est-ce que faut savoir si c'est le lundi puis le mardi. Là. Les objectifs doivent pas être pareils du tout. Là. Si on a 30 000 personnes ou 25 000 personnes pour les deux matchs, ça va être un succès, hein? Ben oui, moi je pense que c'est tout à fait normal parce que là, tu l'as mentionné, c'est un lundi-mardi. Donc c'est une période, bon, c'est pas évident. Ouais. Deuxièmement, donc c'est un produit un petit peu plus local là, parce que là, pas certain que les gens dans ton coin, Québec, Gatineau vont faire le voyage. Hein, pardon? Je vais les acheter pareil, mais j'irai pas parce que moi je veux avoir du baseball. Non, je comprends. Puis, je suis pas sûr qu'il va y avoir, disons 50 000 personnes qui vont jouer comme toi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce défi-là. Là. D'après moi, c'est beaucoup plus le défi va être local. Donc, est-ce que les gens de la grande région de Montréal, à 85% ou 90%, devront remplir, selon moi, les estrades, en tout cas une bonne partie pour ces matchs-là. Donc, c'est un test. Tu sais, puis c'est pas la première année, donc on étire ça un peu. Les défis sont plus grands, absolument. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et je suis d'accord avec toi que si on va chercher un 30 000 ou un 60, 65 000 pour les deux matchs, je pense qu'on peut dire mission accomplie parce que les lundis et mardis de saison régulière dans le baseball majeur, c'est pas ça. Il faut regarder les assistances, mais ce sont les pires. C'est les deux pires journées de la semaine pour les assistances dans le baseball majeur. Alors, je pense qu'il faut pas en faire un grand cas. C'est pas surprenant de voir que la vente ne va pas aussi bien, mais ça reste que lorsque la neige va fondre un peu, on va recommencer à parler de baseball au printemps. C'est sûr que là, à un moment donné, les gens vont se laisser tenter. Là. Marc, un gros merci. Je vais te rappeler pour le temps des fêtes, pour la rétrospective de l'année. Parfait, mon ami. Collaborateur Marc Griffin.